Chagrin d'un fonctionnaire. Mais laissons ce petit homme à ses petites craintes. Pourquoi a-t-il pris dans sa maison un homme de cœur, tandis qu'il lui fallait l'âme d'un valet? Que ne sait-il choisir ses gens? La marche ordinaire du XIXe siècle est que, quand un être puissant et noble rencontre un homme de cœur, il le tue, l'exile, l'emprisonne ou l'humilie tellement que l'autre a la sottise d'en mourir de douleur. Une chose étonnait Julien. Les semaines solitaires passées à Verrières, dans la maison de M. de Rênal, avaient été pour lui une époque de bonheur. Il n'avait rencontré le dégoût et les tristes pensées qu'au dîner qu'on lui avait donné. Dans cette maison solitaire, ne pouvait-il pas lire, écrire, réfléchir sans être troublé? Le bonheur serait-il si près de moi? La dépense d'une telle vie est peu de chose. Je puis à mon choix épouser Mademoiselle Elisa ou me faire l'associé de Fouquet. L'esprit de Madame de Rênal était arrivé à des pensées fatales. Toutefois, il y avait des jours funestes où elle ne pouvait chasser l'image de l'excès de bonheur qu'elle goûterait si, devenant veuve, tout à coup, elle pouvait épouser Julien. Il aimait ses fils beaucoup plus que leur père. Malgré sa justice sévère, il en était adoré. Elle sentait bien qu'épousant Julien, il fallait quitter ce vergy dont les ombrages lui étaient si chers. Elle se voyait vivant à Paris, continuant à donner à ses fils cette éducation qui faisait l'admiration de tout le monde. Ses enfants, elle, Julien, tous étaient parfaitement heureux. Étrange effet du mariage tel que l'a fait le XIXe siècle. L'ennui de la vie matrimoniale fait périr l'amour, sûrement, quand l'amour a précédé le mariage. Monsieur Valneau, qui jouait serré, avait placé Elisa dans une famille noble et fort considérée où il y avait 5 femmes. D'elle-même, cette fille avait eu l'excellente idée d'aller se confesser à l'ancien curé Chélan et en même temps au nouveau, afin de leur raconter à tous les deux le détail des amours de Julien. Le lendemain de son arrivée, dès 6 heures du matin, l'abbé Chélan fit appeler Julien. « Je ne vous demande rien, » lui dit-il. « Je vous prie et au besoin je vous ordonne de ne me rien dire. J'exige que sous 3 jours vous partiez pour le séminaire de Besançon ou pour la demeure de votre ami Fouquet, qui est toujours disposé à vous faire un sort magnifique. J'ai tout prévu, tout arrangé, mais il faut partir et ne pas revenir d'un an à Verrières. » Julien ne répondit point. Il examinait si son honneur devait s'estimer offensé des soins que M. Chélan, qui après tout n'était pas son père, avait pris pour lui. « Demain, à pareille heure, j'aurai l'honneur de vous revoir, » dit-il enfin au curé. M. Chélan, qui comptait l'emporter de haute lutte sur un si jeune homme, parla beaucoup. Enveloppé dans l'attitude et la physionomie la plus humble, Julien n'ouvrit pas la bouche. Il sortit enfin et courut prévenir Madame de Rênal, qu'il trouva au désespoir. Son mari venait de lui parler avec une certaine franchise. La faiblesse naturelle de son caractère, s'appuyant sur la perspective de l'héritage de Besançon, l'avait décidé à la considérer comme parfaitement innocente. Il venait de lui avouer l'étrange état dans lequel il trouvait l'opinion publique de Verrières. Le public avait tort, il était égaré par des envieux, mais enfin, que faire? Madame de Rênal eut un instant l'illusion que Julien pourrait accepter les offres de M. Valneau et rester à Verrières. Mais ce n'était plus cette femme simple et timide de l'année précédente. Sa fatale passion, ses remords, l'avaient éclairée. Julien fut frappé d'une chose en apprenant la terrible nouvelle du départ à Madame Rênal. Il ne trouva aucune objection égoïste. Elle faisait évidemment des efforts pour ne pas pleurer. « Nous avons besoin de fermeté, mon ami. » Elle coupa une mèche de ses cheveux. « Je ne sais pas ce que je ferai, » lui dit-elle. « Mais si je meurs, promets-moi de ne jamais oublier mes enfants. De loin ou de près, tâche d'en faire d'honnêtes gens. S'il y a une nouvelle révolution, tous les nobles seront égorgés. Leur père s'émigrera peut-être à cause de ce paysan tué sur un toit. Veille sur la famille. Donne-moi ta main. Adieu, mon ami. Ce sont ici les derniers moments. Ce grand sacrifice fait, j'espère qu'en public, j'aurai le courage de penser à ma réputation. » Julien s'attendait à du désespoir. La simplicité de ses adieux le toucha. Enfin, Julien quitta Verrières. Monsieur Drénal fut bien heureux. Au moment fatal d'accepter de l'argent de lui, ce sacrifice se trouva trop fort pour Julien. Il refusa net. Monsieur Drénal lui sauta au cou les larmes aux yeux. Julien lui en demandait un certificat de bonne conduite. Il ne trouva pas dans son enthousiasme de termes assez magnifiques pour exalter sa conduite. Notre héros avait 5 louis d'économie et comptait demander une pareille somme à Fouquet. Il était fort ému. Mais à une lieue de Verrières, où il laissait tant d'amour, il ne songea plus qu'au bonheur de voir une capitale, une grande ville de guerre comme Besançon.